Bye. sur Ninebot ce matin. Ils sont tous au lit là. Dorment, les Français. 11h41 quand même. Bon allez, je te laisse. À bientôt, mon ami. Ciao, ciao.